Deuxième livre des Chroniques, chapitre 31. Or sitôt qu'on eut achevé toutes ces choses, tous ceux d'Israël qui s'étaient trouvés là, allèrent par les villes de Juda, et brisèrent les statues, et coupèrent les bocages, et démolirent les hauts lieux, et les autels de tout Juda et Benjamin, et ils en firent de même en Éphraïm et en Manassé, jusqu'à détruire tout, puis tous les enfants d'Israël, retournèrent chacun en sa possession dans leur ville. Ézéchias aussi rétablit les départements des sacrificateurs et des lévites, selon les départements qui en avaient été faits, chacun selon son ministère, tant les sacrificateurs, que les lévites, pour les holocaustes, et pour les sacrifices de prospérité, afin de faire le service, de célébrer, et de chanter les louanges de Dieu aux portes du camp de l'Éternel. Il fit aussi une ordonnance par laquelle le roi, serait chargé d'une contribution prise de ses finances pour les holocaustes, savoir pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, et des nouvelles lunes, et des fêtes solennelles, selon qu'il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, savoir aux habitants de Jérusalem, qu'ils donnassent la portion des sacrificateurs et des lévites, afin qu'ils prissent courage pour observer la loi de l'Éternel. Et sitôt que la chose fut publiée, les enfants d'Israël apportèrent en abondance les prémices du froment, du vin, de l'huile, du miel, et de tout le provenu des champs, ils apportèrent, dis-je, les dîmes de toutes ces choses en abondance. Et les enfants d'Israël et de Juda, qui habitaient dans les villes de Juda, apportèrent aussi les dîmes du gros et du menu bétail, et les dîmes des choses saintes, qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu, et les mirent par monceaux. Ils commencèrent au troisième mois de faire les premiers monceaux, et au septième mois ils les achevèrent. Alors Ézéchias et les principaux vinrent, virent les monceaux, et bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Puis Ézéchias s'informa des sacrificateurs, et des lévites touchant ces monceaux. Et Azaria le principal sacrificateur, qui était de la famille de Tsadok, lui répondit, et lui dit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter des offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, et nous avons été rassasiés, et il en est resté en grande abondance, car l'Éternel a béni son peuple, et cette grande quantité est ce qu'il y a eu de reste. » Alors Ézéchias commanda qu'on préparât des chambres dans la maison de l'Éternel, et ils les préparèrent. Puis ils portèrent dedans fidèlement les offrandes, et les dîmes, et les choses consacrées, et Conania lévite en eut l'intendance, et Simi son frère était commis sous lui. Et Jéiel, Azazia, Nahat, Azaël, Jérimoth, Josaba, Eliel, Jismasia, Nahat, et Benéa étaient commis sous la conduite de Conania, et de Simi son frère, par le commandement du roi Ézéchias, et de Zaria gouverneur de la maison de Dieu. Et Coré fils de Jeanne à Lévite, qui était portier vers l'Orient, avait la charge des choses qui étaient volontairement offertes à Dieu pour fournir l'offrande élevée de l'Éternel, et les choses très saintes. Et il avait sous sa conduite aidant, Benjamin, Jésua, Semaïa, Amaria, et Sécania, dans les villes des sacrificateurs, ayant cette charge d'ordinaire, pour distribuer les portions à leurs frères, tant aux plus petits qu'aux plus grands. Outre cela on fit un dénombrement selon les généalogies des mâles d'entre eux, depuis ceux de 3 ans, et au-dessus, savoir de tous ceux qui entraient dans la maison de l'Éternel, pour y faire ce qu'il y fallait faire chaque jour, selon leur ministère et leur charge, suivant leur département. Et outre le dénombrement que l'on fit des sacrificateurs selon leur généalogie et selon la maison de leur père, et des lévites, depuis ceux de 20 ans et au-dessus, selon leur département, on fit aussi un dénombrement selon leur généalogie de toute leur famille, de leurs femmes, de leurs fils, et de leurs filles, pour toute l'assemblée, et en toute sincérité ils se sanctifiaient avec soin. Et quant aux enfants d'Aaron sacrificateurs, qui étaient à la campagne et dans les faubourgs de leur ville, dans chaque ville, il y avait des gens nommés par leur nom, pour distribuer la portion à tous les mâles des sacrificateurs, et à tous ceux des lévites dont on avait fait le dénombrement selon leur généalogie. Ézéchias en fit ainsi par tout Juda, et il fit ce qui est bon, et droit, et véritable, en la présence de l'Éternel son Dieu. Et il travailla de tout son cœur dans tout l'ouvrage qu'il entreprit pour le service de la maison de Dieu, et dans la loi, et dans les commandements, recherchant son Dieu, et il prospéra.